Bienvenue dans ce nouveau numéro de Chronique et Histoire. La chronique de ce jour s'intitule « Tout pété ». Neptune en a perdu son trident. Le vieux Stanislas a dû se demander ce qui se passait dans sa bonne cité de Nancy. Mais la rumeur était la même partout. On a gagné. Gagné quoi ? Pas grand-chose, hormis le droit de dire « j'y étais ». Au pire, un petit benon enrichi au régime bière curly. France championne du monde. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme dirait l'âne mes comparses. J'ai été travailler lundi, j'espérais gratter quelques avantages, un jour de congé, une petite compensation pour avoir porté un maillot 100% polyester par 30 degrés. On m'a souri et on a changé de sujet. La Coupe du Monde de foot, événement qui pendant un mois fait oublier chômage et crise des migrants, c'est encore mieux que le vaccin Johnny Hallyday contre la grippe A. Il s'est passé plein de choses durant la colonie de vacances des Bleus en Russie, il s'en est tellement passé que personne n'en a parlé. On a cru avoir l'effet gueule de bois quand, sur nos écrans, aux images de Liesse ont succédé celles de la casse, mais en fait, c'était la troisième mi-temps. Le gueuleux sera mineur qu'on sert en fin de soirée pour faire descendre le reste. Je rappelle que l'alcool est à consommer avec modération. D'ailleurs, si vous le croisez, envoyez-le moi, j'ai deux mots à lui dire. En France, quand on n'est pas content, on casse, on flambe. Il faut que le mécontentement se voit, comme un gosse de 3 ans qui tape une crise dans un supermarché. Le plus bizarre, c'est que quand on est content, c'est pareil. On casse, on flambe. Feu de joie, il paraît que c'est de saison. Je pourrais opter pour l'approche sociologique, le respect, tout ça, mais franchement, ça ne vous donne pas envie de tout péter, vous, quand vous connaissez les sommes mises en jeu pour 2 fois 11 gugus qui courent après une baballe, alors que vous galérez à boucler vos fins de mois, à nourrir vos gosses et à vous payer juste l'essentiel. Non. Les médias présentent les casseurs comme des bonobos. Ces sympathiques primates communiquent en se faisant des câlins et plus si affinités. Les casseurs, eux, font des câlins à la police, au mobilier urbain et au bien d'autrui. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas d'autre chose. Chaîne de vie.